Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHR Y105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Comme à tous les semaines, je vais faire jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission avec du Nec à feu de leur album Lendemain de veille pour les pas fiables. C'était le premier morceau de cet album-là, la chanson Malartic. Nec à feu, un excellent groupe qui a sorti cet album-là quelques mois. L'album que j'aime bien, fait jouer une couple de fois ici à l'émission. On continue bien sûr dans les prochains mois et on espère les prochaines années à continuer à la faire jouer. Mais on a de la bonne musique pour vous, plein de trucs pour les prochaines 60 minutes. On va faire jouer les Shérifs dans un instant, mais je vais aussi vous faire jouer des chansons par plusieurs autres groupes de punk, de ska et de hardcore, tout en français, des deux côtés de l'océan. Alors c'est ça, je continue avec les Shérifs de leur album Electrochoc, la chanson Je fonce dans l'état, ici, à Sous Pression. Thank you.

Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, moi, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. Dans le dernier bloc, on a commencé le dernier bloc avec les Shérifs, la chanson « Je fonce dans l'état » de leur album « Electrochoc » du « Mauvaise graine ». Après ça, leur chanson « Occident » tirée de leur album « Interdit de penser ». Après ça, c'est du P4 à l'attaque de leur album Pour un djihad de classe. C'est à la chanson RMI. Du P4 à l'attaque, c'est la première fois que j'ai fait jouer en onde. Ça fait un petit bout de temps que je les connais, que je les ai découverts je les ai découverts en ligne. Là, sur, il y a un site web et à partir de d'autres sites web, j'en entendais parler. Puis ils ont des chansons que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est la première fois que je l'ai fait jouer, ils ont l'air d'être un groupe, je sais pas s'ils sont toujours ensemble, je pense pas, mais je peux pas dire, avec certitude, s'ils sont ensemble ou non, mais en tout cas, c'est un bon groupe, ils ont l'air bien intéressant, les photos que j'ai vues, ils ont l'air à performer avec des cagoules. Bien sûr, un groupe très engagé, politique, avec une politique confrontationnelle, une politique de classe, pour une guerre de classe, ou dans leur cas, un djihad de classe. En tout cas, après P4 à l'attaque, on a écouté du Banlieue Rouge, leur chanson cul de sac de leur album Que tombent les masques, sorti fait bien longtemps, plusieurs années. C'était leur deuxième album studio. Alors c'est ça, je vais continuer en musique. J'ai préparé pour vous du Mayday, la chanson Si seulement. Mayday qui est sorti, ils ont sorti un EP tout récemment de 4 titres, dont 2 en français. C'est un excellent, c'est un bon EP. Si vous pouvez vous procurer, faites-le procurer. Je vous le suggère fortement. Là. Sinon, vous pouvez faire une petite recherche sur l'internet de Mayday. Selon un site Bandcamp. Alors c'est ça, je vais jouer du Mayday, ensuite une chanson par les esclaves salariés, la chanson Jugé policier, mais avant ça, on va écouter du Mayday ici à Sous Pression. Notre soir, une autre nuit, plus rien à voir pour tuer nos nuits, c'est la mémoire. La réveiller pour son chaos, se griller une cigarette, pour regarder brûler le temps. Y'en a à faire, y'en a à foutre, je étais là, ou si seulement je me rappelle, me souviens, et même que finalement j'y crois, et je vois, et je meurs, un peu plus à chaque fois. La terre entière, ils sont bien droits à leur petite trêve. Et moi, cher pour le pavé. Une nuit sans lune nuage, le vent se lève pour son cancan. Un réconfort, son visage sous les lampadaires. Ton jardin me rappelle, me souviens. Et même que finalement j'y crois. Et je vois, et je meurs un peu plus à chaque fois. Je reste dans l'impasse de cette nuit froide, cette nuit d'acier, au royaume des oubliés. Nulle parole de réconfort, ni même caresse illusoire, pour un sommeil bien mérité, pour un peu de répit dans la nuit noire. Je me rappelle, je me souviens, et même que finalement j'y crois. Et je vois, et je meurs, un peu plus à chaque fois. Je me rappelle, je me souviens, et même que finalement j'y crois. Et je vois, et je meurs, un peu plus à chaque fois. pour venir taffer chez les Richards de la rue des Lombards qui fêtaient leur ennui à deux pas de la rue Saint-Denis. Je crêchais au rez-de-chaussée dans une piole rafistolée. Je crêchais au rez-de-chaussée dans une piole rafistolée. À la porte Saint-Martin. Dans ce tour, n'y avait rien, franchement rien de rien. Pas besoin de visite, t'as fait le tour. M'a dit le proprio le premier jour. Y'a pas de soleil, près des poubelles. On s'est fait, la vie est belle. À la porte, Saint-Martin. Je rêvais de zik, de process, de grands espaces et d'ivresse. Derrière cette porte, je manquais d'air. Dans cette garçonnière. Je voyais mes potes s'éloigner. Je voyais mes potes s'éloigner. Dans mes nuits alcoolisées. Je voyais mes potes s'éloigner. À la porte Saint-Martin. Je voulais du monde. À la porte Saint-Martin. Je voulais du monde. Je suis tout petit, ma mère m'a répété: petit, fais attention. laissé reprendre ton chemin. Laisse ton verre, mon ami, le jour n'est pas fini. Le soleil brille encore, son ensemble remord. Et partout qu'on aille, sur cette terre des hommes, il n'y a qu'une vérité, tous les chemins mènent pour un. Par un matin d'avril, au détour de chemin, j'ai croisé une fille, une princesse mitin. Elle voulut m'embrasser, me faire de moi un roi. Je ne pus refuser, c'était ma première fois. Celle qui m'accuse d'avoir cédé à la tentation, c'est que j'aurais bien voulu, mais je n'en ai point l'occasion. Et que j'allais se fermer dans un délicieux soupir. Et ma soeur m'avait pris les biens et me laissa mourir. Mais ton verre, mon ami, le jour n'est pas fini. Le soleil brille encore sur nos sombres remords. Et partout qu'on aille, sous cette terre des hommes, il n'y a qu'une vérité, tous les chemins mènent au rang. Au paradis des cons, du haut de mon nuage, je chante cette chanson. Je bouffe des goélands et je bois de la bière. Je pisse pour faire la pluie et je repousse le tonnerre. Aujourd'hui je suis là au paradis des saints. Quand je regarde en bas des fois je trouve ça difficile. Alors je me saoule la gueule et je dégringole le mon nuage. Si j'étais aussi gros que con, ça ferait un vrai carnage. Le fond vert mon ami, le jour n'est pas fini. Le soleil brille encore sur nos sombres remords. Et partout qu'on aille, sous cette terre des hommes, il n'y a qu'une vérité, tous les chemins mènent au rang. Le fond vert mon ami, le jour n'est pas fini. Le soleil brille encore sur nos sombres remords. Et partout qu'on aille, sous cette terre des hommes, il n'y a qu'une vérité, tous les chemins mènent au rang. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Corrigan Fest, de leur album La Victoire en chantant, la chanson Tous les chemins mènent au rhum. Alors, une petite chanson pour les buvards dans le monde, puis je sais qu'il y en a beaucoup. Du désert culturel avant ça, avec la chanson La Danse de Saint-Guy, de leur album Tant qu'on aura la colère. Du Guarapita avant ça, avec La Porte Saint-Martin, c'est le dernier morceau de leur album Politiqueria. Esclaves salariés, la chanson Juge et policier avant ça, et on a commencé le bloc avec du Mayday, la chanson Si seulement, comme je disais un peu plus tôt, le Mayday qui ont sorti un EP très récemment, ça fait peut-être plus qu'un mois, là, pas beaucoup plus qu'un mois. Un bon EP de 4 titres, ça vaut la peine. J'espère qu'ils vont pouvoir produire d'autres morceaux, d'autres matériels, parce que c'est un groupe avec beaucoup de potentiel. Alors, on est rendu plus ou moins à mi-chemin de l'émission, là. Il est temps que je vous rappelle que Sous Pression a un site web. Si vous êtes branché sur l'Internet, vous pouvez visiter ça. C'est le souspression.wordpress.com. Souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. On met chaque émission en ligne à chaque semaine. On met aussi la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Et on met aussi parfois des petites nouvelles concernant le monde du punk, du ska, du hardcore francophone. On a aussi un groupe, une présence sur Facebook. C'est le facebook.com/sous-pression. facebook.com/sous-pression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission et suivre ce qui se passe avec l'émission et aussi avoir des petites nouvelles, bien sûr, concernant le punk, le ska, hardcore francophone. Si vous voulez faire aussi des demandes spéciales, vous voulez m'envoyer un petit message, dire bonjour, vous avez des commentaires à faire, même des plaintes, ou si vous voulez juste jaser, dire bonjour, on peut parler, vous me dire que j'ai une belle voix, vous voulez me dire que ma voix est terrible, que mon accent est terrible, puis je devrais pas massacrer la langue française, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez m'envoyer un courriel sous pression à commercial chry.fm, sous pression à commercial chry.fm. On entrera dans un dialogue et on parlera de mon accent et de ma voix. J'ai pas eu de commentaire à part ça, je veux juste dire ça de même. J'essaie de faire mon petit niaiseux, puis c'est quelque chose que j'ai réussi à faire bien, très bien. Alors c'est ça, je continue en musique, on va faire une journée, tourner une chanson par les partisans, c'était tiré d'un split qu'on enregistrait avec Zabriskie Point, ça va être la chanson Assez, après c'est du Soul and Spirit et plein d'autres bonnes tunes dans le prochain bloc, alors restez à l'écoute, ici à Sous Pression. Assez, assez, assez, assez, la précarité. certitude sur son sang. Dans la nuit profonde, il s'endort, sans grande certitude sur son sort. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression. On vient d'écouter la chanson Jeune Garde par Rottweiler de leur album Bordeaux 5. Du Viande Rouge avant ça avec Skinhead de Guérin. Et avant ça, on a écouté Scott's and Panic People, la chanson Entre les lignes. Cette chanson-là, ou en tout cas, cette version de cette chanson-là, tirée d'un EP virtuel qu'ils ont sorti, ils ont mis en ligne sur leur site web environ pas longtemps avant la sortie de leur album Lâcher les bombes. Les deux chansons sont aussi disponibles sur l'album Lâcher les bombes. Yabasta avant ça, la chanson La Relève de leur album Sans Retour. Sans Retour, c'est un album qui est plutôt live, avec des chansons live enregistrées pendant leur dernier concert, mais ils ont aussi des chansons studio sur l'album, sur le bon album. Avant ça, c'était Soul and Spirit, la chanson Tension de leur EP Une Allumette. Et on a commencé le bloc avec Les Partisans, la chanson Assez du split qu'ils ont fait avec Zabriskie Point. Alors, je vous laisse maintenant avec une dernière chanson. J'ai le temps de vous en faire jouer une. Ça me fait beaucoup peine de vous quitter à chaque semaine, mais il faut le faire. Il faut céder la place, céder le microphone aux autres, aux prochaines émissions. Alors, je vous laisse avec une dernière chanson. Les Marmottes Aplaties, la chanson « J'entends tes cris », tirée de leur dernier album studio. Le groupe n'existe plus, mais là, ils nous ont laissé avec une couple d'albums. Et l'album « Décadence », c'était leur dernier. Je vous laisse avec la chanson « J'entends tes cris » par les Marmottes Aplaties. Alors, nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous et continuez à écouter la radio communautaire et visitez le sous-pression.wordpress.com.